jusqu'à dire, j'en ai raté la vie du guia, aussi dans le tien à Zobia, la tioca mousi en galia, la kini et ou mbezi, qui la zibou a zibi bouni boudia, la kini et ou mbezi, qui la zibou a zibi bouni boudia, ya chou n'a goubo zangouzote, ni n'a poté la quoi diriako. Yatafuta njia zote kuridhisha moyo wako, lakini nashangazwa kusikia kwamba mimi ninakuchukia, lakini nashangazwa kusikia kwamba mimi ninakuchukia. Mchana wadi nalijugia, mwezi na nyota nazopia, nachoka mbuzi angalia, lakini ewe mpenzi, kila kifu wazidi kunivutia, lakini ewe mpenzi, kila siku wazidi kunivutia. Na mara nyingi zaku hali zao zina kuzuzua, unajaribu kuiga hali ya maisha yao, ambapo kwetu ni ya ghali sana. Ustahimili maisha yetu haya ya dhiki, Mungu akipenda tutafanikiwa. Siachi kuonyesha kama kweli mama ninakupenda, oh mama, lakini yashike maneno yote niliyokueleza, mama, oh mama, oh mama. Usiwapate pande hao watu wabaya, watakupoteza, oh mama, oh mama, oh mama. Lakini yashike maneno yote